بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours 88 dans l'explication du livre عقيدة أهل السنة والجماعة. Le شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. Et on continue dans l'explication du chapitre au sujet de Al-Iman bil Yawm al-Akhir, la foi en le jour dernier. Et on est arrivé à la partie où le Cheikh il expliquait maintenant Al-Iman bil Jannati wa Nar, la foi en le paradis, l'enfer et le paradis. Et le Cheikh il explique maintenant, il dit wa ta'bidu an-nar ka ta'bid al-janna sawa'un. فيجب علينا أن نعتقد عقيدة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأن النار مؤبدة ولا يهمنا من قال بخلاف ذلك بل من قال بخلاف ذلك نرى أنه أخطأ فإن كان مبنيا على عقيدة وأساس وقاعدة كما يقوله من يقول بمنع تسلسل الحوادث كالجهمية وغيرهم فهو ضال ومن قالها عن حسن قصد ونحن نعلم أنه حسن القصد فهو مخطئ ولنا أن نصفه بأنه ضال لأن كل من خالف الحق فهو ضال ولا في العقيدة ولا في غيرها ولهذا لما قيل لابن مسعود رضي الله عنه في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين أفتى في مسألة فرضية قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لأن أبا موسى الأشعري قال للسائل وأتي ابن مسعود فسوف يوافقني على ذلك. Donc ici le cheikh il parle d'un point qu'on a mentionné par rapport au dernier cours. Il explique que l'enfer et le paradis, les deux sont éternels. C'est-à-dire, ils n'ont pas de fin. Et ça, c'est ce qui est obligatoire pour nous d'affirmer et de croire. Et c'est ça qui est établi par le livre de notre Seigneur et la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du fait que l'enfer, il est éternel. Et on ne tient pas compte de ceux qui nous ont contredit à ce sujet-là ou qui ont dit quelque chose qui contredit cela. Et nous considérons qu'il s'est trompé. Il est dans l'erreur. S'il a basé cette croyance ou cette idée sur une règle, comme les Jahmiyyah et les gens de Bid'ah, qui essaient d'établir des règles pour essayer de renier certains aspects de la sunna. Donc ça c'est de l'égarement. Parce qu'il y en a qui disent il ne peut pas y avoir quelque chose qui est éternel avec Allah. Sauf que la différence entre le paradis et l'enfer qui sont éternels et Allah subhanahu wa ta'ala dans son éternité, les deux choses ne sont pas comparables. Parce que le paradis et l'enfer, ils ont un début et un commencement. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de début, il n'a pas de commencement, il est éternel. Il a toujours existé et il va toujours exister éternellement. Et il a créé le paradis et l'enfer et il a voulu que ces deux créatures-là soient éternelles aussi et ceux qui sont dedans. Donc, une fois que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces créations soient éternelles aussi, eh bien, elles vont être et elles vont rester éternelles par rapport à l'avenir, d'accord? Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit, si quelqu'un, il nous a contredit en se basant sur des règles qui sont fausses, qui ont été établies par ces gens, des gens de Bid'ah, par exemple, alors on dit que c'est un égaré. C'est un égaré, et il a suivi des principes d'égarement. Tandis que celui qui a dit cette parole, et qui avait une bonne intention, et on sait que il avait une bonne intention par rapport à sa méthodologie en général, du fait que, de façon générale, sa méthodologie, elle est bonne, et il suit le Coran et la Sunna, mais qu'il s'est trompé dans cet aspect-là, alors on va dire, il s'est égaré, ou il s'est trompé dans cette erreur-là, Et on peut dire de lui qu'il est égaré dans cette question-là, parce que toute personne qui contredit la vérité, il est considéré un égaré. Mais il y a des degrés d'égarement. Il y a des degrés et des niveaux d'égarement, et ce n'est pas tous les égarements qui sont comparables. Par exemple, le kafir, le mushrik, sont des égarés. Puis, yani, tu peux dire par exemple, celui qui a fait une bid'a, il est égaré. Celui qui a fait une erreur aussi, il est égaré. Même si cet égarement-là, elle n'est pas nécessairement quelque chose qui le fait sortir de l'islam ou sortir de la sunna. Parce que le terme égarement, c'est un terme qui est, yani, qui peut avoir plusieurs significations. Et pourquoi, par exemple, dans chaque raka'a, dans Surat al-Fatiha, lorsqu'on fait la salat, on dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim ». Pourquoi? Puisqu'on est déjà musulman, hein? Pourquoi on dit à Allah « Guide-nous sur le droit chemin » On est déjà musulman. Mais la raison de ça, c'est parce que même si on est musulman, ça ne veut pas dire que notre guidance, elle est complète. On a toujours la possibilité disons, on a toujours la capacité d'augmenter notre guidance et de croître en guidance par rapport à notre connaissance et par rapport à notre pratique. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset dans le Coran, Walladina hatadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Et ceux qui ont été bien guidés, Allah les augmente en guidance. Hein? Il leur donne leur piété. Donc, celui qui s'est égaré, ou qui a fait une erreur, on peut dire de lui qu'il est dans l'égarement. Et l'exemple de ça que le cheikh il a cité, c'est lorsque on a dit à Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, une histoire que Abu Musa al-Ash'ali lui avait rapportée. Lorsqu'il avait fait une fatwa sur une question, je pense que c'était par rapport à des héritages. Et il a dit, Abdullah ibn Mas'ud, je me suis égaré. Hein, dans ce cas-là, je me suis égaré et je ne suis point du nombre des bien guidés. Pourquoi il a dit ça? Parce que Abu Musa al-Ash'ari, il avait répondu à la personne qui lui a posé la question au sujet des héritages, va voir Abdullah ibn Mas'ud et tu vas voir qu'il va être d'accord avec moi sur cela. Et quand il est allé le voir, il lui a dit, alors dans ce cas-là, je serai dans l'égarement. Je ne serai point du nombre des bien guidés. Donc, c'est pour dire que si quelqu'un il est dans l'erreur, hein, yani, c'est une forme d'égarement, même si ce n'est pas nécessairement un égarement qui le fait sortir de la religion, qui le fait sortir de la sunna. Hein. Et en même temps aussi, lorsque quelqu'un se trompe, même si ce n'est pas intentionnel, on peut dire qu'il est dans l'égarement, dans cette erreur-là. Ensuite, le cheikh dit, « Fa'ala kulli hal, man khalafa hadha, ou man khalafa fi hadha, ani fi abadiyatin nar » إن كان مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فهو ضال ومبتدع وإن كان عن حسن نية واجتهاد فهو مخطئ سواء كان ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما ونحن لا يهمنا الرجال وإنما الذي يهمنا هو الذي قال به يعني هو الذي قال به الرجال. Donc ici, le cheikh, il dit, de toutes les façons, peu importe si quelqu'un il a contredit, si quelqu'un il a contredit dans la question de l'éternité de l'enfer, si il s'est basé sur yani, une aqida, une méthodologie, hein, comme une règle, par exemple, qui est basée sur l'égarement et la bid'a, hein, donc ça c'est un égarement, et si la personne, elle avait une bonne intention, elle a fait un ijtihad, elle a essayé d'utiliser son effort pour essayer de trouver une explication ou une interprétation, puis qu'elle s'est trompée dans cette interprétation-là ou dans cette ijtihad-là, alors on va dire qu'elle s'est trompée. Peu importe que ce soit Ibn Taymiyyah ou que ce soit Ibn al-Qayyim ou que ce soit d'autres. Parce qu'il y a des gens qui ont dit justement à propos d'Ibn Taymiyyah, hein, il a dit bifana innar, hein, qala bifana innar. C'est-à-dire qu'il a mentionné que l'enfer ne serait pas éternel ou ne serait pas éternel. Et si c'est le cas et qu'il aurait dit ça, alors dans ce cas-là, on dirait oui, il s'est trompé. Dans cette erreur-là, il s'est trompé. Il est dans l'erreur. Hein? Il a voulu faire une ijtihad et il a fait l'erreur. Et L'explication, en fait, détaillée de ça, c'est qu'est-ce qu'on avait mentionné au sujet de la question quand on en a parlé dans les cours précédents. Lorsque Ibn al-Qayyim, il explique que, par exemple, l'enfer est divisé en différentes catégories et qu'il y a un enfer qui est l'enfer pour les kafirines et les mushrikines, et cet enfer-là, c'est éternel. Puis l'enfer pour les pécheurs parmi les mouahidines, les gens du tawhid. Et c'est pas cet enfer-là, ce sera pas le même châtiment que celui des kuffars et des mushrikines, comme on avait mentionné. On a parlé de ça, si vous vous souvenez. On avait mentionné ce point-là déjà dans les cours précédents. Puis que ceux-là, ils vont éventuellement sortir de l'enfer et que le feu ne va pas consumer ou brûler les endroits de prosternation, hein? Le feu ne va pas brûler les endroits de la prosternation sur leur corps. Et on a mentionné ces exemples-là. Et donc, Ibn al-Qayyim se basait sur cet exemple-là pour dire que donc c'est comme pour dire il y a un enfer spécial pour ceux-là, ou bien dans l'enfer, il y a une partie pour ceux-là, et ce n'est pas le même châtiment que pour ceux qui seront en enfer à cause du shirk ou du kufr et des choses de ce genre. À la kulli hal, comme le cheikh Ibn Uthaymin il a dit, ça c'est un ijtihad qu'ils ont fait. Et s'ils se sont trompés, on dit ils se sont trompés parce qu'on voit que le reste de leur position et leur méthodologie sont toujours accrochés et basés sur l'attachement au Coran et à la Sunna et aux preuves de la charia. Et donc ils ont essayé de faire un jugement à ce sujet-là. Donc en tous les cas, si quelqu'un se trompe à ce sujet-là, peu importe qui il est, eh bien, ça, c'est pas ça qui est important pour nous. L'important pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que c'est la vérité et de la suivre. Hein? On ne doit pas, disons, suivre ou accepter la parole d'une personne juste parce que c'est elle qui l'a dite, mais on doit l'accepter uniquement si cette parole-là, elle est en accord avec la vérité et en accord avec le Coran et la Sunna. Et comme on l'explique et comme on l'a expliqué dans d'autres cours, il n'y a pas un savant qui est exempt d'erreur et qui ne se trompe jamais. Ça n'existe pas. Hein? Donc ça, c'est un principe parmi les principes d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Après, le cheikh, il dit, « فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أُشْكِلَ عَلَيَّ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرُ مَجْذُوذٍ فقال إلا ما شاء ربك فالجواب لما قال تعالى ما دامت السماوات والأرض يفهم الفاهم أنهم خالدون فيها مدة دوام السماوات والأرض فقط وبعد ذلك تفنى أو يخرجون منها فقال عطاء غير مجذوذ فقوله إلا ما شاء ربك أي من الزمن فهذا التوجيه لا إشكال فيه أبدا ويبقى عندنا أنه أهل النار قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد أيضا لا إشكال فيها لأن الجنة فضل فقال فيها عطاء غير مجذوذ والنار عدل فقال إن ربك فعال لما يريد فكأنه يقول لا اعتراض لأن الله يفعل ما يريد ثم إنه قال إن ربك فعال لما يريد دفعا لما يظن الظان أن هذا فيه شيء من الظلم أو نحو ذلك فقال إن ربك فعال لما يريد وقوله ما دامت السماوات والأرض ما مصدرية ظرفية وتقدير الكلام مدة دوام السماوات والأرض ولنفرض أنها 100,000 100,000 مليون سنة مثلا فإذا جاءت الآية هكذا ما دامت السماوات والأرض أي مدة السماوات والأرض فيفهم منها الإنسان أنهم خالدون فيها مثلا 100,000 مليون فقدرنا هذا أو بعد ذلك تنتهي وإما بإخراجهم أو بفنائهم فلما قال تعالى إلا ما شاء ربك يعني إلا مدة زائدة على ذلك شاء الله وهذا أقرب الأشياء لأن هذا تحدث عن المستقبل وليس عن الماضي فبعض الناس قال إلا ما شاء ربك أي مدة دوامهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة ما دخلوها حتى الآن. فنقول هذا غير صحيح وليس بظاهر، فقد تأملت فقد تأملت تأملت الأقوال، وأحسن ما يطمئن إليه هو ما ذكرته، لأن الله يتحدث عن شيء مستقبل لا عن شيء ماض. مسألة بالنسبة لوصف الجنة ونعيمها، يوجد بعض الناس خاصة بعض الشباب من يكثرون في قراءة ما يتعلق بأوصاف الحور، خاصة ما ذكره الإمام ابن القيم في نونيته وغيره مما قد يثير شهوتهم، ولكن مع ذلك إذا نصحوا يقولون نحن نتصبر بهذا، فهل هذا له وجه؟ أم أنهم ينصحون بالابتعاد عن هذا؟ الجواب والله لا أرى قولهم هذا. ولماذا أيضا لا يذكرون النار ووعيدها؟ الناس الآن هم إلى ذكر الوعيد أحوج منهم إلى ذكر الوعد، لأن غالب الناس فتنته الدنيا فيحتاج إلى كابح، فالناس ليسوا مقبلين الآن حتى نذكر لهم الأشياء التي تحثهم على الدوام، بل الناس الآن مدبرون إلا من شاء الله. فلهذا نرى أن الإنسان إذا أراد أن نرجح أحد الجانبين على الآخر، الترغيب والترهيب، نرى في الوقت الحاضر أن نقدم الترهيب على أني لا أوافق على هذا، ولكن أقول إذا كان لابد ولا بد فالذي ينبغي أن نسلك طريقة القرآن ترغيب وترهيب. Bon, le cheikh il a parlé d'un sujet ici et c'est une question يعني il parle de certains versets que certaines personnes ont mentionné et qui ont été interprétés pour dire que certains ont utilisé ces versets-là pour dire qu'il y a un temps limité ou une limite à la durée du paradis ou de l'enfer. Et le cheikh, il a mentionné ça, puis il a dit non, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et tant que les cieux et la terre, il a dit Allah, il fait ce qu'il veut. Et c'est un don que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qui ne va pas être, qui ne va pas cesser. Donc le paradis, ça fait partie de la grâce d'Allah et l'enfer, ça fait partie de sa justice. Donc je ne vais pas traduire tous les détails de ça. Hein. Je vais passer à l'autre point qu'il a mentionné au sujet de la description du paradis et des délices qui sont dedans. Certaines personnes, en particulier les jeunes, lorsqu'ils lisent par exemple des livres qui décrivent qui donnent les descriptions des femmes du paradis, hein, celles qu'on appelle al-hur, hur al-ayn, il dit que Ibn al-Qayyim, il en parle dans son livre An-Nuniyah et il en parle également dans d'autres livres qu'il a écrits. Il dit certains, on leur a conseillé de ne pas trop lire ces explications-là ou ces descriptions-là parce que ça pourrait avoir des effets et exciter leur désir. Parce que parfois, la description des femmes du paradis, il y a dedans des choses qui pourraient attiser leurs envies, hein, et leurs désirs. Donc, c'est mieux de diminuer de ça. Et lorsqu'on a donné le conseil à ces jeunes-là de ne pas trop exagérer dans la lecture de ces descriptions-là, ils disent « Non, nous, on fait ça, c'est pour avoir plus de patience, pour être capable d'endurer la fitna de la vie d'ici-bas, puis pour être capable de patienter jusqu'au paradis. » Et il refuse donc de s'écarter de ce genre de choses. Alors le cheikh, il répond, il dit, « Je considère que leurs paroles, quand ils disent ça, que ce n'est pas correct. » Parce que ils doivent... Pourquoi ils ne se rappellent pas non plus en même temps des menaces de l'enfer? Hein, les menaces de l'enfer aussi. Il dit parce que les gens à notre époque, ils ont aujourd'hui plus besoin de la menace que de la promesse. Il dit parce que la plupart des gens à notre époque, la fitna qu'ils ont avec la dunya, elle est plus grande. Donc ils ont besoin de quelque chose pour les retenir et pour les arrêter. Donc, le cheikh, il dit, les gens, c'est pas comme si aujourd'hui ils étaient en train de disons, de se tourner vers les choses dans le but de les inciter uniquement vers la akhira. Puisque les gens en général aujourd'hui, c'est le contraire, ils se tournent hein, de l'au-delà et ils s'attachent plus vers la dunya. Et donc, c'est pour ça que, yani, en général, la règle, c'est qu'on doit donner plus, on doit donner autant du côté de la menace que du côté de l'incitation. On doit faire l'égalité entre at-targhib wa at-tarhib, c'est-à-dire de faire peur, d'être dans la peur et d'être dans. Hein, l'incitation vers qu'est-ce qui t'amène vers le paradis. Donc la menace et la promesse de façon équivalente. Mais il dit, à notre époque, c'est encore plus important de mettre de l'avant la menace hein, à cause de la faiblesse des gens et de leurs désirs hein, qui sont plus axés ou penchés vers la dunya. Ensuite, le cheikh il dit: وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِكُلِّ مَنْ شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالْوَصْفِ. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Donc, il dit: on doit témoigner du paradis pour toute personne pour qui le Coran et la Sunna ont témoigné qu'il sera au paradis. Donc, s'il y a une personne en particulier, hein, ou bien une description spécifique que le Coran et la Sunna a mentionné, hein, en disant que ceux-là sont au paradis, alors on doit l'affirmer, on doit témoigner de ça. C'est-à-dire comme par exemple, quand on dit Al-Ain, Al-Ain ça veut dire la personne, l'individu. Et Al-Wasf, c'est la description, la caractéristique ou l'attribut. D'accord? Et le cheikh, il explique, il dit: فَالشَّهَادَةُ بِالْجَنَّةِ أَوْ بِالنَّارِ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam ou jaa fi al-Qur'an. Wa qawluhu bil 'ayn aw bil wasf ya'ni ash-shahada qad takunu bil 'ayn bi an yashhada li rajulin bi 'aynihi annahu fi al-jannah fa min dhalika qawlu Allah tabaaraka wa ta'ala wa sayujannibuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la. وهو أحق الناس بأن يشهد له بالجنة وهذا الدليل على شهادة القرآن له بالجنة أما السنة فأمرها ظاهر. Donc il dit, le cheikh ici, que en ce qui concerne du fait de témoigner à propos d'une personne ou d'une description qu'il sera au paradis ou en enfer, eh bien, ça c'est pour celui au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, à propos d'une personne ou à propos d'une caractéristique, et ce qui est mentionné également dans le Coran à ce sujet-là. Et il donne comme exemple à ce sujet le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Layl, les versets 17 à 21, certaines caractéristiques. Et dans ces caractéristiques-là, les savants du tafsir, ils ont tous mentionné qu'il s'agissait de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Donc, qu'est-ce que je vais vous lire les versets. Hein, c'est de 17 à 21. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Layl, ce qui signifie alors quand sera écarté, c'est-à-dire écarté du châtiment, le pieux qui donne ses biens pour se purifier et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes, il sera bientôt satisfait. Et comme le cheikh il dit, la majorité des savants de tafsir, ils disent qu'il s'agit de Abu Bakr. De même que dans le verset dans Surat At-Tawbah, verset 40, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il dit à son compagnon, ne sois pas affligé ou ne sois pas attristé, Allah est avec nous, lorsqu'ils étaient dans la grotte, eh bien, tous les savants de l'islam sont d'accord pour dire qu'il s'agissait de Abu Bakr, puisque c'était le compagnon du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne se séparait jamais de lui, ni dans les difficultés, ni dans les moments d'aisance. Et il est donc la personne le plus méritant de ce témoignage du paradis. Et ça, c'est la preuve que le Coran a témoigné pour lui qu'il sera au paradis. En ce qui concerne la sunna, eh bien, c'est encore plus clair et encore plus yani, apparent encore. Il dit, فَمِنَ الشَّهَادَةِ بِالْعَيْنِ الشَّهَادَةُ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِي وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ عَيَّنَهُمُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc, en ce qui concerne le témoignage par rapport à l'individu, eh bien, on peut tenir compte à ce sujet-là du témoignage de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme étant ceux qui sont promis au paradis, comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, et ceux qu'on appelle en arabe Al-Ashra, Al-Mubashirin Bil-Jannah, les 10 à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Et il dit, par exemple, مثل العشرة المبشرين بالجنة. Donc il y a parmi ceux-là, il y a Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ça c'est les 4 Khulafa Rashidin, et puis il y a aussi parmi eux Sa'd ibn Abi Waqqas, il y a aussi Abu Ubaida al-Jarrah, il y a aussi avec eux je pense Talha et Zubayr, et également il y a Abdurrahman ibn Auf et Saïd, un autre parmi les Sahaba qui s'appelle, je pense, Saïd, yani, j'ai oublié son nom, Saïd ibn Abdullah, je pense. À la kulli hal, ça c'est les 10 qui sont parmi les Mubashirina bil Jannah, et il y en a également d'autres en plus de ces 10-là, comme Thabit ibn Qais ibn Shammas, yani, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il sera au paradis. Donc il dit, وثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وعكاشة ابن محصن. عكاشة, dans le hadith qui est mentionné justement au sujet des 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Et il a dit, ô messager d'Allah, fais que je sois un d'entre eux. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, أنت منهم, et tu seras un d'entre eux. Et l'autre qui s'est levé après, qui a dit, ô messager d'Allah, demande à Allah pour que je sois un d'entre eux aussi, il a dit, sabaqaka biha ukasha. Ukasha est à devancer. Donc c'est pour dire que ukasha, il fait partie de cela aussi. Également, Sa'd ibn Mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il sera au paradis. Bilal, Bilal aussi, il a dit, j'ai entendu les bruits de ses pas devant moi dans le paradis. Donc, c'est une autre preuve que Bilal aussi, radiyallahu anhu, sera au paradis. Na'am. Al-muhim annahum kathirun. Fal-lazina ayyanahum nabi sallallahu alayhi wa sallam, yajibu an nashhad lahum bi-a'yanihim annahum fil-jannah. Tasdiqan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont nombreux, et ceux au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, en les citant et en mentionnant leur nom, qu'ils vont être au paradis, il est obligatoire pour nous de témoigner qu'ils seront au paradis parce qu'on croit en ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il mentionne maintenant des exemples en ce qui concerne les descriptions. Par exemple, dans certains textes, on voit qu'il est mentionné que Al-Muttaqoun, ils vont être au paradis. Et Al-Mu'minoun, ils vont être au paradis. Et As-Sadiqoun, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des caractéristiques. Donc tous ceux qui respectent et qui rentrent dans ces caractéristiques-là vont rentrer au paradis aussi. Mais ça, on n'a pas le temps d'élaborer plus. Au prochain cours, Inch'Allah, on va essayer de clarifier, de détailler un petit peu plus les explications là-dessus. Donc, je sais qu'aujourd'hui, le cours, il n'est pas... on n'a pas eu beaucoup de temps, mais on va se reprendre, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum, Inch'Allah.